l'ours et la carotte. Une émission d'environnement proposée par Nicolas Saint-Martin et Claire Cayrouga. Alors Reg, bonjour. Bonjour. On va parler avec toi aujourd'hui des collapsonautes. Alors, vous venez de l'espace ? C'est presque ça. Donc, les collapsonautes du Pays Basque et du Sud des Landes, toute jeune association locale donc, qui a émergé en décembre, donc il y a à peine 2 mois. Voilà, donc dans la ligne de la collapsologie. Donc ce mouvement théorique est apparu en 2015 suite à l'ouvrage « Comment tout peut s'effondrer » de Pablo Servigne et Raphaël Stevens. Voilà, donc ouvrage qui a marqué pas mal dans les milieux notamment écologistes et qui a marqué des gens aussi ici localement, au Pays Basque, au sud des Landes. On a été quelques-uns en fait à se parler de ce bouquin, de toute la peut-être la difficulté qu'on avait eue à absorber le choc que la lecture de ce livre a pu créer chez plusieurs d'entre nous. Et on s'est dit, non, mais on ne peut pas rester tout seul avec ça, chacun dans notre coin. Il faut absolument qu'on se rassemble. Il doit y avoir d'autres personnes comme nous qui sont marquées par ça et qui ont besoin de se poser un peu là, 2 secondes, et de réfléchir à tout ça, voire peut-être même d'envisager des choses ensemble. Alors, de quoi il s'agit ? De quoi parle cet ouvrage, collapse, l'effondrement, c'est quoi cette théorie ? Alors, c'est une théorie en fait, qui est plus ancienne même que 2015, mais qui était assez peu médiatisée. Pour les grandes dates historiques, on peut même remonter à 1972 avec le fameux rapport Meadows, rapport du Club de Rome. Étudié par rédigé par le MIT à la demande du Club de Rome, qui prédisait déjà en fait un effondrement des sociétés thermo-industrielles entre 2020 et 2030, donc basé sur des études scientifiques sur le système géophysique planétaire. Donc en étudiant les ressources naturelles, renouvelables, non renouvelables, les taux de pollution, les revenus par personne, etc., la démographie, les projections démographiques. Et en fait, basiquement, c'est des maths, hein. Donc c'est très, très physique. Il n'y a pas trop énormément de sciences sociales là-dedans au départ. Et donc quand ils ont projeté ces courbes sur les 50 ans, voire jusqu'à 2100, il s'avère qu'il y avait des courbes qui faisaient une sale tête dans leurs projections, et notamment la courbe démographique où entre 2020 et 2030, on arrive un peu à un plateau, si on prend la partie haute d'une sinusoïde, et derrière ça descend. Donc si la courbe de population humaine descend, c'est significatif de choses assez difficiles. Suite à ça, il y a eu différents travaux comme je disais tout à l'heure, qui n'ont pas été trop médiatisés. Et donc le gros boom médiatique, ça a été 2015, donc avec cet ouvrage « Comment tout peut s'effondrer », où en fait, là, Pablo Servigne et Raphaël Stevens, ils n'ont rien inventé. Ils ont juste, entre guillemets, donc ils me pardonneront de dire ça, mais rassemblé, collecté tous les éléments scientifiques des différents domaines et ils ont eu une approche systémique. C'est-à-dire qu'ils ont vraiment croisé les analyses de ce qui se passe au niveau biologique, de ce qui se passe au niveau climatique, de ce qui se passe au niveau socio-économique, enfin plein de domaines comme ça scientifiques. Et du coup, en croisant tout ça, ils ont malheureusement vu que les projections du Club de Rome, donc de 50 ans plus tôt, étaient confirmées. Voilà. Donc, c'est cet effondrement, ce collapse qui vous inquiète. Donc des causes, on va dire, scientifiquement déterminées, mais aussi des choses qui ont pu être ressenties, pressenties par beaucoup de gens depuis assez longtemps. Donc c'est les limites de notre croissance, de notre modèle économique, de notre façon d'aller chercher les ressources naturelles de façon démesurée, de les consommer. Cette notion d'effondrement, s'il y a moins d'humains sur la planète, est-ce que c'est une mauvaise chose ? Est-ce que ce n'est pas une question aussi tout simplement démographique, celle dont on parle, de dire oui, effectivement, les sociétés industrialisées finissent par avoir moins d'enfants, Et si on est moins nombreux sur la planète, est-ce que c'est pas une bonne nouvelle pour les autres espèces et pour la planète ? Alors là, tu rentres tout de suite dans une dans un élément de discussion qui est très très complexe, puisqu'en fait, il y a effectivement, on peut voir l'effondrement sous deux facettes. Il y a l'effondrement donc de la biodiversité et l'effondrement donc des sociétés thermo-industrielles, donc de la civilisation humaine en tant que telle. Et Pablo Servigne, justement, il montre ça dans une de ses conférences. Il explique qu'en fait, aujourd'hui, là, on a presque deux possibilités. Soit on a l'effondrement de la civilisation humaine et la biodiversité perdure, soit on a l'effondrement des deux. Je pense que là, c'est pas tellement de poser la question est-ce que ça sera mieux ou s'il y aura moins d'humains sur la Terre. Le truc, c'est que ça aurait été intéressant de travailler là-dessus il y a peut-être 100 ou 50 ans. Mais maintenant, c'est trop tard. Donc, on est effectivement trop nombreux. Alors, ça, c'est pas forcément partagé par tout le monde, puisque ça, c'est plus personnel, là, ce que je dis. Hein. C'est pas vraiment les propos de notre association non plus, parce qu'on partage peut-être pas tous cette vision-là. La démographie, on sait que dans nos cultures, c'est quelque chose de très, très délicat à aborder. Donc, certes, on est trop nombreux, mais c'est pas pour autant qu'il faut souhaiter qu'on soit moins nombreux dans la façon dont les choses risquent probablement de se produire. C'est-à-dire, quand on regarde les courbes scientifiques, ça veut dire des famines de grande ampleur, ça veut dire des guerres, etc. Parce qu'en fait, ce que disent les démographes, c'est que les tentatives de régulation organisées par le passé n'ont jamais bien fonctionné. On voit en fait tout ce qui les catastrophes au niveau des différences de d'hommes et femmes aujourd'hui en Asie, c'est assez terrible. Et la seule façon dont la démographie s'est régulée par le passé, voilà, c'est ce que je disais, c'est les famines, les guerres, enfin que des trucs hyper réjouissants. Donc la problème, enfin l'axe n'est peut-être pas tellement celui-là, quoi, mais c'est se dire que il y a plusieurs stratégies, c'est déjà comment accepter l'idée qu'il va y avoir un effondrement, comment s'accompagner mutuellement dans l'acceptation de cette idée, parce que l'acceptation de cette idée, forcément, ça déprime quand même un petit peu, et comment repositiver, redonner un sens à sa vie derrière dans ce cadre-là. Voilà, c'est un peu, à mon sens, plus comme ça qu'il faut réfléchir à cette thématique-là. Voilà, donc tu poses les questions que je voulais te poser, bien sûr. C'est vrai que on peut voir dans le mouvement de l'effondrement de tous ces gens qui, comme toi, ont pu prendre conscience à un moment ou à un autre que notre société allait s'effondrer et que ce qu'il fallait vraiment voir le plus urgemment possible, c'est d'abord la survie de l'humanité, mais aussi, faut le souligner, des autres espèces, de la biodiversité et de notre planète. Parce que nous, tout seuls, on ne pourra pas survivre non plus. Cette prise de conscience, elle est anxiogène. Et est-ce que cette notion d'effondrement, ce n'est pas une vision extrêmement noire, finalement, qui bloque toute capacité d'agir chez les gens qui prennent conscience ? Alors, forcément, que tu vas répondre non. C'est pour ça que vous avez créé votre mouvement et votre association, les Collapsonautes. Mais comment tu vois, toi, les gens autour de toi réagir face à un discours quand même relativement très, très noir ? Alors, est-ce que parce qu'une réalité est très, très noire, comme tu le dis, il faut éviter de l'évoquer ? Nous, on pense que non. Est-ce que parce qu'une réalité est très très noire, il faut la masquer, ne pas y penser ? Nous, on pense que non. Mais tout est dans la façon de l'évoquer, et c'est là qu'est la difficulté. C'est-à-dire que quand les gens chez eux, devant leurs réseaux sociaux, sur leur ordinateur, effectivement, vont tomber sur les vidéos de plus en plus nombreuses qui circulent maintenant sur la toile. Des Pablo Servigne, Gaël Giraud, Yves Cochet, enfin, et j'oublie tous les autres. Effectivement, que tout seul chez soi, c'est très très difficile, extrêmement anxiogène. Et du coup, pour éviter ça, nous on pense qu'il faut vraiment travailler collectivement à accepter cette idée. Donc c'est un peu c'est le deuxième objectif de l'association qu'on a créée, c'est vraiment de s'entraider dans l'acceptation, de s'écouter, de parler entre nous. Donc on essaie d'organiser des réunions en ce sens pour pas que les gens restent tout seuls apporter ça, parce que ce qui est intéressant, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que cet effondrement-là sociétal, des gens peuvent l'apprendre alors ils peuvent se trouver eux-mêmes dans des effondrements personnels. On n'a pas tous la chance d'avoir une vie relativement stable au niveau financier, affectif, etc. Et du coup, quand il y a cette couche-là qui se rajoute, ça peut être difficile, voire dangereux, même pour certaines personnes. Pour autant, ce n'est pas parce que c'est dangereux, difficile, qu'il faut se voiler la face. Parce que se voiler la face aujourd'hui, ça annonce des lendemains encore plus terribles. Donc il vaut mieux, d'après nous, creuser cette idée en étant serein, en étant pragmatique, en regardant aussi les critiques qui sont faites des mouvements de la collapsologie. Et nous, c'est ce qu'on s'attache à faire, parce qu'effectivement, on ne veut pas rentrer dans un tunnel sans trop réfléchir. Donc on essaie de lire aussi, de s'intéresser aux critiques de ces mouvements-là. Bon, il se trouve que les critiques de la collapsologie, en fait, pour l'instant, on trouve que ça manque quand même de consistance. C'est-à-dire, il y a tellement de bases scientifiques, c'est vrai que c'est un peu compliqué. Alors, c'est pas trop les critiques. Moi, j'ai été regarder un petit peu les critiques de la collapsologie. Alors, la définition, c'est la collapsologie, c'est l'étude transdisciplinaire de l'effondrement de notre civilisation industrielle ou thermo-industriel, et de ce qui pourrait lui succéder. La plupart des critiques qu'on peut trouver, finalement, c'est de dire « Mais attention, vous êtes des gens, en fait, qui voulaient conserver le système. » Parce qu'en fait, moi, c'est ce que j'ai trouvé sur la toile. La plupart des critiques, c'est ça. C'est de dire « Vous voulez la garder, cette société industrielle ? Pourquoi vous vous inquiétez tant que ça ?» Parce qu'il y a des gens un petit peu radicaux qui veulent un changement... très très important. Certains qui vont te dire, par exemple, moi je prends l'avion, je brûle un maximum de kérosène, comme ça le changement brutal aura lieu bien plus vite. Voilà, il y a différentes façons de considérer les choses. Et finalement, est-ce que les collapsonautes, est-ce que les gens qui sont imprégnés de cette science de la collapsologie ne sont pas des conservateurs finalement du système ? Pourquoi vouloir conserver le système, c'est ça la principale critique. Oui, en fait, c'est une lecture complètement à 180 degrés du concept de collapsologie. Hein. Enfin, il n'y a nullement la volonté de conserver le système tel qu'il est. Bien au contraire, c'est juste le constat que les mouvements radicaux, comme tu dis, ou perçus comme tels et qui depuis des dizaines d'années alertent sur l'impérieuse nécessité de changer nos modes de vie, qui n'ont pas été alertés, n'ont pas été écoutés, pardon. Et du coup, ce qui va vraisemblablement se passer, selon les thèses des scientifiques collapsologues, c'est que les changements qu'on n'a pas faits de façon choisie dans la durée, eh bien, ils vont se faire de toute façon, quoi qu'on veuille, de façon très rapide. Juste pour des questions basiques de survie, en fait. Donc si on regarde les mouvements alternatifs, les mouvements de la décroissance, les mouvements climat, etc., etc. La transition aussi, voilà, avec cette notion de résilience, parce qu'au final, c'est aussi ça. Là, on dit les gens de la transition, ils cherchent la résilience, ça veut dire que quelque part, ils cherchent à garder le système actuel. Non, pas vraiment. Les gens de la transition, ils cherchent quand même à complètement modifier les modes de vie. Après, effectivement, ils ne remettent pas en cause des choses comme la sécurité sociale. Ils ne vont pas remettre en cause des choses comme le fonctionnement bancaire. Ça va beaucoup plus travailler sur effectivement l'aspect financiarisation. Mais ils ne remettent pas en cause les fonctionnements des États, des régions, etc., etc. Enfin, plein de choses comme ça. Alors mais, que vous, oui. Alors, nous, on ne les remet pas en cause. Mais en fait, on a compris que tout ça allait tomber. Et du coup, comme on a compris que tout ça allait tomber, on anticipe le fait que ça va tomber et on essaie de créer, de se dire que c'est localement qu'il va falloir se réorganiser une fois qu'on aura perdu tout ça. Cette fois. fois, je crois que nous sommes complètement ça y est. Mais c'est une question que c'est absolument ça de faire. Parce que se ronger les sens, ça serait tout à fait y'a pas de quoi. Alors moi, je sens que je ferai pas long feu, pas long feu, pas long feu ici, pas long feu. Pas long feu, pas long feu dans cette chaîne de vie, pas long feu. Pas long feu, pas long feu, pas long feu ici, pas long feu. Pas long feu, pas long feu dans cette chaîne de vie, pas long feu. Quand la vie semble inévitablement se foutue, on se dit qu'il vaudrait mieux être tout à fait, c'est pas ça. Et malgré tout, on reste totalement, on fait comme on a dit. Alors moi je ferai. Pas long feu, pas long feu, pas long feu ici, pas long feu. Pas long feu, pas long feu dans cette chaîne de vie, pas long feu. Pas long feu, pas long feu, pas long feu ici, pas long feu. Pas long feu, pas long feu dans cette chaîne de vie, pas long feu. Se flinguer, il y aurait plus question de remettez-nous ça pas trop. Et dans ma tête, je suis véritablement j'en peux plus. Et je me sens vaguement où va-t-on nous. Je ferai. Pas long feu, pas long feu, pas long feu ici, pas long feu. Pas long feu, pas long feu dans cette chaîne de vie, pas long feu. Pas long feu, pas long feu, pas long feu ici, pas long feu. Pas long feu, pas long feu dans cette chaîne de vie. Nous, on considère ici qu'on est une petite association locale et donc on veut travailler sur notre territoire pour aider, rassembler les gens qui sont conscients de l'effondrement. Donc on utilise pour les identifier l'échelle de Paul Scheffurka, qui est une échelle de conscience en fait, Paul Scheffurka qui a justement à travailler sur les différents niveaux de prise de conscience de l'effondrement de nos sociétés. Et donc nous, on dit, voilà, on va plutôt s'adresser aux gens de niveau 4-5, c'est-à-dire que ceux qui sont arrivés à une quasi-certitude, à accepter l'idée, qui ont passé toutes ces strates de déni dont je parlais tout à l'heure, voilà, rassembler ces gens-là pour construire, faire quelque chose ensemble. Loin de moi de me prononcer sur l'orientation, la collapsologie, enfin, c'est un mouvement très large, il n'y a pas de... C'est pas un dogme, il y a pas de grand gourou, même si Pablo Servigne est souvent cité, mais enfin il y a pas que lui, il y en a plein d'autres. Donc on l'a bien compris, les collapsonautes du Pays Basque, vous êtes dans une vision plus, on va dire, plus personnelle de préparer finalement l'effondrement, de vous préparer et de mettre en place dès maintenant, en tout cas pour vous, sans cet objectif d'entraîner tout le monde avec vous, mais en fait, vous êtes en train de réfléchir et peut-être de mettre en place cet après-effondrement. Oui, c'est ça. Juste une nuance. On vise quand même à essayer de contacter les décideurs locaux, qu'ils soient élus, administratifs, responsables, associatifs, pour essayer de les sensibiliser. Voilà, je veux nuancer ce que je disais tout à l'heure. C'est-à-dire qu'on ne va pas viser le grand public comme plein d'associations de la transition. Tout simplement parce qu'on n'a pas le temps et pas l'énergie et qu'on vise aussi à nous préparer. Alors, nous préparer. Donc, plusieurs niveaux. Donc déjà là, on a lancé, on en a fait certains, plein d'ateliers, formations, puisqu'en fait, on s'aperçoit que dans ce monde systémique, on ne sait plus faire grand-chose nous-mêmes. Et donc, on travaille sur l'alimentation. On est en train de faire plein d'ateliers sur faire son potager en mode permaculture, ce genre de choses. On fait plein d'ateliers aussi sur la sobriété. C'est-à-dire qu'on pense que le monde là qui nous attend va être beaucoup plus simple que le monde aujourd'hui, que tous nos modes de vie vont changer. et que si on ne s'y prépare pas, ça va faire énormément de changements à accepter, que psychologiquement, physiologiquement, physiquement, ça sera très très difficile. Donc en fait, on cherche à volontairement à descendre un petit peu, enfin à descendre de nos modes de vie pour essayer de se rapprocher de la façon dont on va vivre plus tard. Par exemple, il y en a certains d'entre nous qui proposent d'arrêter les smartphones, de se déconnecter d'Internet. Puisqu'en fait, pour nous, ça, il n'y aura plus. Donc si aujourd'hui, on a toute une façon de fonctionner avec ces outils-là, que là, il y a un gros crash, enfin, ou des paliers d'effondrement dans les 5, 10, 15 ans qui arrivent, comme on le prédit, ça va être, les gens vont être complètement perdus, ils ne sauront plus rien faire. Puisqu'aujourd'hui, pour la moindre connaissance, le moindre truc, je lance une petite recherche sur un moteur de recherche et tiens, j'ai la recette de mon clafoutis à ceci, enfin bref, ou des choses plus importantes. Ou pouvoir se relier les uns aux autres aussi, des nouveaux, peut-être prendre d'autres habitudes de communication, de se retrouver dans des endroits. Si jamais il y a une guerre, parce qu'il y a, excuse-moi, il y a quand même dans la prédiction d'effondrement, bien sûr, il y a les cyberattaques, on peut se dire, il y a les armées, les gouvernements du monde entier qui réfléchissent déjà à ça. Oui, après là, nous, on n'est pas encore allé jusque-là. On démarre lentement parce qu'effectivement, avec une question comme ça, là, le niveau d'anxiété des auditeurs va monter. Donc ça, on espère que ces stades-là de l'effondrement vont arriver le plus tard possible. Nous, aujourd'hui, tout ce qu'on fait reste plus basique. Comme j'ai dit, on démarre à peine. Par exemple, on va, là, fin mars, organiser un atelier d'orientation sans smartphone, donc sans les Google Maps, etc. Donc juste avec carte et boussole. Mais l'idée derrière, c'est quand même, si un jour on doit bouger un peu en urgence, et si on doit bouger que tous les transports, toutes les routes sont bloquées, ah mince, comment on fait ? Si on ne peut plus rester chez nous parce qu'il n'y a plus trop à manger par ici ou parce que c'est un peu tendu. Voilà, bon, c'est un petit début et comme je disais, on essaie de le faire pour l'instant sans trop faire monter l'anxiété parce que c'est quelque chose qu'il va falloir gérer, quoi, ces angoisses, ces anxiétés. On essaie de ne pas trop mettre non plus ça en avant, même si on a des références, là je fais juste une petite insiste sur l'anxiété, des bouquins, des vidéos, etc. Au bout d'un moment, il faut arrêter. C'est-à-dire que quand on pense avoir compris grosso modo les grandes lignes, c'est plus la peine de continuer à se rajouter des couches d'angoisse, etc. Et effectivement, on s'aperçoit que le fait de rentrer dans le corps concret, même si c'est des petits ateliers qui au départ sont tout simples, tout basiques et qui doivent certainement faire bien rigoler les quelques survivalistes là, qui vont nous écouter, ça permet au moins de faire un premier pas et surtout de se sentir beaucoup mieux, d'être plus serein et de se retrouver, de se relier justement. Une des bases aussi au moment de l'effondrement, est-ce que ce ne serait pas justement de retrouver des solidarités, du partage, plutôt que continuer comme aujourd'hui, on a l'impression que nos sociétés sont dans un sens de la concurrence, un peu tous les uns contre les autres. Oui, c'est exactement ça. En fait, le mot communauté peut être perçu différemment, donc on fait attention quand on l'utilise, mais on est, nous, dans l'objectif de créer des communautés un peu de collapsonautes, où le partage, la solidarité sera la valeur maîtresse. Donc désolé pour nos quelques amis survivalistes, je parle encore d'eux là qui nous écoutent, mais selon nous, le modèle très individuel ne marchera pas et leurs projets seront balayés. Parce que d'après toi, les survivalistes, donc ils se préparent dans leur maison, etc., ils sont vraiment pour se protéger eux-mêmes, ils ne pensent pas à accueillir leurs voisins, leur famille ? Non, c'est pas l'image quand même, enfin, le classique, enfin, après il faudrait nuancer, mais l'image classique du survivalisme, c'est effectivement, c'était le bunker des Américains, que beaucoup se sont construits, hein, d'ailleurs, juste à côté ou pas loin de leur maison, avec peut-être 6 mois ou 1 an de survie. Bon, et alors, et après, il se passe quoi ? Après, il y a d'autres modèles où, en fait, c'est des espèces de mini-villages où ils se mettent à plusieurs dans des endroits clos. Bon, déjà là, le niveau de probabilité de survie augmente un petit peu, mais même ça, c'est pas sûr que ça marche. Il faut aussi que l'environnement extérieur soit pas trop non plus hostile. Et c'est pour ça qu'on tente quand même, nous, d'aller d'échanger avec les décideurs. Parce que si on a conscience que si aujourd'hui on est dans nos communautés à base de solidarité, de partage, peut-être un peu à reculer des villes où on aura nos potagers pour faire à manger, quelques animaux, un peu de forêt pour se chauffer, etc. Oui, c'est bien beau, un peu bucolique, tout ça, mais si l'environnement tout autour est très hostile, même si on touche un petit peu au mode survivaliste et qu'on prévoit de pouvoir se défendre, ça ne marchera pas non plus très longtemps. Donc, c'est pour ça qu'il faut à la fois travailler sur la solidarité et le partage entre des gens convaincus, et dans l'idée peut-être, même si c'est un peu présomptueux, mais de faire un petit peu des modèles pour ceux qui prendront conscience de ça un peu plus tard, voire un peu trop tard. Ça, c'est un élément, mais il faut espérer que globalement, que les mouvements de la transition aient pu convaincre suffisamment la population globale pour que l'environnement ne soit pas trop hostile. Alors, pour rassurer un peu tout le monde aussi, il y a eu des études en éthiologie, en sens du comportement, qui ont été menées justement par une des figures de la collapsologie, Pablo Servigne et Olivier Chapelle, qui ont écrit un livre qui s'appelle « L'entraide, l'autre loi de la jungle » en 2017, qui est sorti, et qui est très positif. En fait, apparemment, en cas de catastrophe, les différents animaux, dont l'homme, j'aime bien dire ça parce qu'il y a plein de gens qui l'oublient, mais on est des animaux, s'entraident. Oui, effectivement. Je pense qu'ils s'en sont un peu voulus de l'effet de leur premier ouvrage où effectivement il y a eu plein de gens qui étaient bien déprimés. Là, ça fait quand même un gros coup de bâton. Et donc avec cet ouvrage-là que tu rappelais, ils ont essayé de montrer quelque chose de plus positif. Pour autant, ils développent aussi que l'entraide ne se développe que dans des conditions très spécifiques, très particulières. Donc est-ce qu'on aura ces conditions-là? Est-ce qu'on pourra les maîtriser? On ne sait pas trop. Bon, Reg, pour finir sur une note positive, quelle note positive tu voudrais donner aux auditeurs? Alors, j'ai envie de dire, on va tous mourir. Waouh, c'est super positif. Mais parfois, on entend ça un peu en résumé de déni quand on évoque nos thèses. Alors oui, certes, on va tous mourir, mais ce qu'on peut chercher à faire, c'est pour toutes les années qui nous restent à vivre, à essayer de vivre justement de façon la plus sereine possible, la plus constructive possible, même si on a un environnement, des perspectives globales qui sont difficiles. Et en fait, nous, on s'aperçoit là, depuis qu'on a monté cet asso toute jeune, que les gens sont terriblement contents de pouvoir se retrouver, de pouvoir échanger sur ces sujets, aussi terribles soient-ils, de pouvoir lancer des ateliers ensemble. Chacun de nos ateliers, en fait, on le conclut par un moment convivial. On boit des coups ensemble, on mange ensemble. Et en fait, on s'aperçoit que les gens sont malgré tout heureux. Et c'est ça, en fait, que moi, j'ai envie de faire passer comme message et qu'on essaie de faire passer comme message. C'est que malgré un contexte, malgré des perspectives difficiles, il ne faut pas pour autant s'effondrer psychologiquement, individuellement, dès maintenant. Ça serait vraiment un contresens terrible. Mais pourtant, c'est l'élément qui vient en premier. Et donc, il faut absolument se sortir mutuellement, collectivement de ces états-là pour essayer ensemble de quand même positiver, construire des choses, se mettre en lien, se préparer. En se disant, on va vivre différemment, on prendra plus la voiture, on se déplacera à pied, à cheval, on va manger différemment, on mangera beaucoup moins de viande, on mangera des choses locales, on n'aura peut-être plus le café là qu'on a bu tout à l'heure avant de lancer l'interview, mais c'est pas grave, on va se préparer à tout ça. Et le fait d'être ensemble, de se retrouver, mais physiquement, là j'insiste sur le physiquement, parce que moi je pense qu'il y a un gros souci en fait avec tous les réseaux sociaux où les gens ont l'impression d'être ensemble, mais en fait ils sont tous esselés chacun chez eux. Voilà un peu ce que je voulais dire. Ouais. D'accord, donc créer d'autres assos, se regrouper, ne pas se voiler la face, mais agir ensemble. Et agir ensemble, c'est ça. L'action en fait, c'est ça qui nous fait aller mieux. Merci Red. C'était l'ours et la carotte. Écoutable sur Internet.